celle que coupe l'éclair de mes vannes super chères. Je reste souvent manifesté mais toujours en été. Des slogans anarchistes anti-capitalistes. Mais qu'est-ce que c'est cette société où il faut bosser? Des jeunes contestataires, et on vit pas dans la misère. On se rebelle contre la société, mais on profite de ses entrées. Dans la journée je me rebelle contre la société, mais le soir je rentre chez moi, maman fait à bouffer. Et puis si je rentre trop tard, je vais me faire engueuler. Et le pire ça serait vraiment que je sois privé de télé. On est des jeunes contestataires, mais on vit pas dans la misère. On se rebelle contre la société, mais on profite de ses attraits. J'écoute du ska, du punk et surtout du reggae. Ma révolte consiste en fait à écouter, à caisser. Tu me demandes de financer tes activités. Faire ta gueule, t'es qu'une victime de la société. On est des jeunes contestataires, mais on vit pas dans la misère. On se révolte contre la société, et on profite de ses attraits.